Bonjour Bogbluster, c'est la Norvège. Alors voilà Frédéric, oui, sur les Spice Girls, j'ai dansé. Et même si le temps est pourri de mon côté de l'Europe, eh bien vous êtes mon rayon de soleil radiophonique avec vos interventions et vos chroniques, Frédéric. Merci beaucoup. Enfin une émission sur les Spice Girls, enfin la meilleure surprise du week-end. Merci à tous et Girl Power. Moi, je suis de 83. Du coup, les Spice Girls, c'est toute mon adolescence. Et je me rappelle des booms où on en profitait pour draguer sur Wannabe. Parce que les Spice Girls, quand même, pour moi, c'est la découverte que les filles, elles pouvaient aussi assumer d'avoir envie de sortir avec un garçon et qu'elles n'étaient pas toujours obligées d'attendre que les garçons s'intéressent à elles. Alors merci Blockbuster pour cette émission doudou. J'en ai des soupirs de nostalgie tellement ça me rappelle de bons souvenirs. À tous les médisants, j'aimerais réaffirmer que les Spice Girls et leur œuvre, c'est un hymne à la féminité, à la joie, à l'indépendance. Voilà, Wannabe, ça s'explique pas, c'est organique. Girl Power! Salut Blockbuster. Alors je voulais vous dire merci pour l'épisode sur les Spice Girls. De la part d'une fille qui est née en 97 et qui, du coup, a connu les Spice Girls assez tard, notamment parce qu'elle était fan de David Beckham. Donc ça implique ce que ça implique, parce que regarder Spice World avec 10 ans de retard, c'est spécial. Bon allez, je vous laisse et je vous fais des bisous parce que là j'ai un épisode de Malcolm à regarder, parce qu'à cause de vous, je suis en train de me refaire toute la série. Ciao. Bonjour, quelqu'un des nouvelles de Dedo? Non, c'est parce que j'ai écouté toutes les émissions de la semaine dernière, je l'ai pas entendu, j'ai juste ma tête. Voilà. To be or not to be, not to be. Je trouve qu'on ne parle pas assez du métier de cascadeur. C'est quand même un des métiers les plus ingrats du monde, avec Premier ministre. D'ailleurs, le Premier ministre, c'est un peu la doublure cascade du Président de la République. Sur le tournage du film de la 5ème République, justement, ça doit se passer comme ça. Écoute Emmanuel, sur la séquence du discours de mobilisation, nous sommes en guerre, t'étais top. Avec les tentes en arrière-plan, les explosions et le temps qu'on va ajouter en post-synchro, franchement, on dirait Churchill ou Pierre Mondy dans la 7ème compagnie. Mais pour la prochaine scène où tu passes à travers la fenêtre après avoir annoncé au syndicat que tu supprimais les 35 heures, là je me dis que c'est peut-être mieux si c'est Edouard qui la tourne. Mais je sais que tu peux la tourner toi-même, je le sais, personne n'en doute, Emmanuel, personne n'en doute. Mais Edouard, il a plus l'habitude. Edouard, t'as bien vu, depuis le début du quinquennat, tu peux lui rouler dessus, lui foutre le feu, le mec il bouge pas. C'est le Havre, ça, c'est le Havre. Tu fais la fermeture des bars du Havre, tu résistes à tout. Quoi? Oui, il a la barbe qui blanchit, mais quoi, sa barbe c'est pas un filtre, ça veut pas dire qu'il faut en changer. Et puis le remplacer par qui? On change pas de cascadeur en plein milieu du film. Jean Castex? Ah, excuse-moi, mais ça fait doublure de film porno. Hein. Pourquoi tu veux plus d'Edouard? Qu'est-ce qui t'a fait? Il te vole la vedette? Ok. Ok, je comprends ce que tu ressens. Édouard Philippe. Réussir à se faire un nom quand t'as deux prénoms, faut vraiment qu'il soit bon ou que toi tu sois mauvais. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça. Frédéric Siglist. Oui, mais le plus important, c'est l'action avec un peu de comédie et l'humour, tous ensemble. Que les enfants voient ça, taekwondo comme cela, bon, les motos, on saute d'un immeuble à l'autre, mais à la fin, je leur montre qu'en fait, oui, il m'arrive à me blesser, mais le message le plus important, c'est ne pas faire comme moi. Et il y a une violence qui est bonne, une violence qui est mauvaise. Et en fait, l'action, c'est peut-être violent, mais c'est style Jackie Chan. Comparé à la violence en Amérique, comme on va au cinéma américain, c'est juste un tout petit peu que j'aime. Tes frères, Rambo. Quand tu veux. ans de carrière, 131 films, une série, 26,8 millions d'entrées au cinéma. Jackie Chan est l'incarnation de la démesure. Croisement improbable entre Buster Keaton, Jean-Paul Belmondo et Bruce Lee, Chang Kon-sang, de son vrai nom, a poussé plus loin que n'importe qui ce qu'un acteur est prêt à faire pour satisfaire son public. Revenu d'entre les morts à plusieurs reprises sur ses tournages, il est la définition même d'un artiste total. Molière est mort sur scène, il est étonnant que Jackie Chan ne le soit pas encore sur un tournage. Pour revenir sur cet étonnant personnage, j'ai avec moi un invité que j'ai déjà eu la chance de recevoir dans Blockbuster, François Bargeprieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste et président des Fiches du cinéma et vous venez d'achever un ouvrage intitulé « Sur les traces de Jackie Chan » qui sortira au mois d'octobre aux éditions Leitmotiv. Tout à fait, merci beaucoup. Un tout nouvel invité, Marvin Montes, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes rédacteur cinéma et créateur des podcasts Final Cut et Hashcast. Et vous allez sortir un épisode sur Drunken Master, un des films cultes de Jackie Chan, ce mercredi. Tout à fait. Et évidemment, celui que certains auditeurs me réclament comme si je l'avais séquestré dans ma cave, Dedo. Bonjour, je ne suis pas mort et tout va bien. Bonjour, mais oui, faut témoigner aux auditeurs. Non. C'est pas moi qui vous retiens. Non, c'est vrai, j'avais juste pas la possibilité de faire certaines émissions, sinon j'aurais pu. Mais je suis très content d'être là à nouveau pour parler de Jackie. Alors rappelons que vous êtes humoriste, votre deuxième spectacle Killing Joke est disponible sur votre chaîne YouTube et vous reprendrez la tournée de rodage de votre nouveau spectacle dès le mois de septembre. Toutes les dates sont sur le site de l'émission. C'est vrai, tout est vrai, allez-y. Ensemble, on va revenir sur l'incroyable carrière de Jackie Chan, de ses débuts jusqu'à sa carrière hollywoodienne. On reviendra sur ses plus grands films, Drunken Master 2, Marin des mers de Chine, Polystory. On vous montrera à quel point cet acteur réalisateur a pu être exigeant envers lui et ses équipes. Bref, comment cet homme a refusé de vivre dans l'ombre de Bruce Lee pour créer sa propre légende. Allez, Jackie Chan, c'est maintenant. Si je dois apprendre quelque chose, c'est la boxe. Mais c'est pas un art martial, c'est un sport d'ivrogne. Tu as raison, c'est vrai. Et si on comparait nos techniques? Mon vénérable kung-fu contre ta boxe d'ivrogne. Si jamais tu me bats, je t'offre le poisson pour toi et ta famille jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que t'en dis? On peut pas se battre ici. Il y a beaucoup trop de monde et on pourrait blesser quelqu'un. Tu rigoles ou bien tu te dégonfles? Attention, écoutez-moi tous. Écoutez, je suis Tsang le poissonnier et voici Wang Fei-yong. Nous allons nous battre et vous serez nos témoins. Tu es prêt? Ha, ha, ha. Vas-y, c'est juste une petite démonstration. C'est pour rire. C'était un extrait de Drunken Master 2, terriblement radiophonique. Ça fonctionne. Un extrait où on montre qu'on peut se mettre sur la tronche pour du poisson. François Barge-Prieur. Oui. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, d'où vient celui que l'on nomme Jackie Chan? Tu veux dire géographiquement? Hong Kong. Voilà, et puis même en termes de vie, de passif. Qui est-il? D'où vient-il? Alors, il est né en 1954, si tu veux, avec ses parents qui n'avaient pas des grands moyens, qui travaillaient à l'ambassade de France à Hong Kong. Il était apparemment turbulent et agité, peu doué pour les études. On le surnommait Pao Pao à l'époque, c'est-à-dire un boulet de canon. Alors il y a deux légendes, il y en a une qui dit que c'est parce qu'il est né à 4,5 kg, l'autre qui dit que c'est parce qu'il était particulièrement agité. Moi j'ai lu 5,4 kg, alors je sais pas si c'était... Moi aussi. 5,4 kg. La différence est notable, ouais. Hein, ouais. Cette inversion. Ouais. Ouais. Surtout pour la maman, ça fait une différence. Je ne crois pas aux 5,4 kg, alors j'ai rectifié parce que le 4,5 kg ça me paraît plus crédible. Mais si tu veux, en fait il... Son père a eu l'opportunité quand il avait 6 ans de partir sur un nouveau poste en Australie. Et comme niveau études, enfin bon, même s'il avait que 6 ans, c'est un petit peu tôt, je trouve, pour condamner un gamin. Mais enfin, apparemment, niveau études, il était sur le point de redoubler, ça se passait pas trop. Il l'a confié à un maître, si tu veux, d'une école dramatique de l'Opéra de Pékin. Qui n'était pas le plus sympathique. Hein. Qui était connu pour sa rigueur et son enseignement, je crois, 18 heures par jour, avec une légende dit que les élèves devaient signer une décharge, si tu veux, qui autorisait leur maître à le tabasser et potentiellement jusqu'à mort à coups de bâton, tu vois, si jamais il y avait des soucis de cadre. Donc les parents, ils sont dit... Marvin Montes, on confirme. Hein. Ouais, oui, complètement. Mais, ouais. Voilà. Et si tu veux, ça a fait 10 ans de l'école la plus... à la fois la plus dure qui soit, et en même temps c'est celle qui l'a fait devenir ce qu'on a connu par la suite, parce qu'il a appris là-bas à la fois à chanter, à faire des acrobaties, à se battre, et à surtout avoir une sorte de rigueur et une camaraderie aussi qu'on retrouvera dans ses films. Et voilà, le sens de la comédie, je pense, de la même manière aussi, parce que c'est vrai que... Par contraste. Parce qu'effectivement, pour survivre, il faut parfois prendre des choses à la rigolade, surtout quand on prend des grosses trempes, parce qu'il en prenait beaucoup. Mais c'est vrai que cette rigueur-là l'a ouvert à beaucoup de choses. Et tu parlais de chansons. C'est une carrière qu'on ne connaît pas forcément chez Jackie Chan, mais Jackie Chan a une grosse carrière hongkongaise. De chanteur. D'ailleurs, la plupart du temps, il signait les chansons de dizaines de films qu'il a pu faire en générique de fin, sur les fameuses séquences de cascade, mais on y reviendra plus tard. Donc voilà, c'est quelqu'un de très pluriel et quelqu'un qui a été un des rares à pouvoir franchir le marché outre-Atlantique grâce à Golden Harvest, un peu comme Bruce Lee, quoi. Marvin Montes, à quoi ressemble le cinéma chinois de cette époque? Alors le cinéma chinois de... En fait, il y a eu un événement qui a été majeur et qui a été déstabilisant pour toute l'industrie, c'est la disparition subite de Bruce Lee, qui était l'ambassadeur numéro 1 du cinéma HK, de ce qu'on appelait le Kung Fu Pian, donc le film de kung-fu, voilà, littéralement, à l'étranger. Et ce qui s'est passé, c'est que l'industrie a cherché pendant très longtemps à simplement et tout bêtement le remplacer. Donc on a eu une période qu'on a appelée la Bruceploitation, Donc on a eu des Bruce Lee, des Bruce Lee, des Bruce Lee. Enfin, c'était très gênant. Hein. C'était très très gênant. Oui. Ah, oui. Voilà. Et Jackie Chan, il a contre son gré fait partie un petit peu de cette vague-là, puisque au début de sa carrière, c'était l'opposé total de ce qu'il voulait faire. On a tenté de faire de lui le nouveau Bruce Lee. Alors que quand on regarde qui sont ces deux entités, c'est peut-être les deux faces d'une même pièce, mais ils sont quand même diamétralement opposés, puisque Bruce Lee, pardon, c'est quelqu'un qui pratiquait un kung-fu extrêmement dominateur, extrêmement fort, il prenait pas de coups, Bruce Lee. Alors que Jackie Chan, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est submergé par le nombre, et c'est quelqu'un qui est extrêmement influencé par les grands artistes du muet, que ce soit Orl Lloyd, Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Oui, puis on était encore dans une tradition aussi du chevalier. Du Wuxapian. Voilà, du Wuxapian. Ce qu'on appelait le Wuxapian, qui était film qui avait été popularisé dans les années 60 après la création de la Shaw Brothers. Exactement. Qui était une ancienne compagnie shanghaïenne, qui s'appelait avant la Tianyi, et donc est devenue la Shaw Brothers en passant Hong Kong. Et oui, il y a eu une grosse exploitation du Wuxapian, qui était une réaction aussi au Chambara, qui était le film de sable japonais. Et donc, les frères Shaw, qui étaient à la tête de la Shaw Brothers, se sont servis de cette version chinoise et hongkongaise du film de Cap et d'Épée pour populariser leur cinéma et tenter déjà de l'exporter, puisque très tôt, il y a eu des velléités d'exportation depuis Hong Kong. Et quand Bruce Lee est apparu au cinéma, il a amené avec lui un style beaucoup plus direct, où on était dans les purs, il n'y avait plus de sauts d'un mur à l'autre, plus de saltos, c'était vraiment le pain directement dans le visage de l'adversaire. C'était un cinéma très terre-à-terre, presque froid par moment, et c'était vraiment un cinéma iconisant. C'est-à-dire que Bruce Lee était au centre de l'écran, hein, la caméra le filmait beaucoup, d'ailleurs on voit assez peu dans le cadre des plans de ses adversaires. On voit les adversaires qui arrivent dans le cadre, mais ils sont éjectés aussitôt. Et sont éjectés. Et on reste sur Bruce Lee. Voilà, on reste sur Bruce Lee parce que c'était l'icône, c'est très vite devenu une légende vivante. Il y a très peu de films de Bruce Lee finalement quand on regarde. Enfin, il a marqué de son empreinte tout un pan du cinéma HK et à l'international. Il est devenu vraiment leur ambassadeur numéro 1. En 5 films. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment compter le jeu de la mort? Moi, je compte le jeu de la mort, malgré tout. Il y a quand même cette scène magnifique avec Kareem Abdul-Jabbar. Oui, bien sûr. Ouais. Improbable, quand on y repense. Hein, effectivement. Il y a un basketteur géant qui se bat contre Bruce Lee comme ça. Par exemple. Revenons un petit peu à Jackie Chan. Parce que du coup, voilà le poids de la légende cinéphile asiatique. Mais François Bargepinheur, comment Jackie Chan a réussi à se créer un avatar cinématographique différent de Bruce Lee? Ça a été effectivement très compliqué, puis vraiment un long parcours du combattant pour lui, parce que quand il a commencé, c'est son maître qui lui a conseillé. Il voyait que l'opéra de Pékin marchait plus autant qu'à l'époque, quoi. Donc c'est lui qui lui a conseillé de passer un peu des castings de cascadeur. Donc il a longtemps vraiment joué les seconds couteaux. Il apparaît lui-même dans des films de Bruce Lee en tant que cascadeur. Ensuite, effectivement, il y a toute la période dont Marvin parlait, où on a essayé de le faire remplacer Bruce Lee, mais donc dans un style d'art martiaux d'une part qu'il ne pratique pas et d'autre part qui ne correspond pas à son caractère et à ce qu'il avait envie de faire. Et après, en fait, il a eu un peu un début de carrière un petit peu chaotique, parce qu'il a signé un contrat qui l'a engagé, si tu veux, sur 5 films avec quelqu'un qui continuait à vouloir lui faire faire des choses que lui ne voulait pas faire. Donc ça a été très compliqué pour lui de s'extraire de ça. Oui, avec des liens avec la triade chinoise. Enfin, alors, ça a été très loin. En fait, c'est Willie Chan qui est devenu après son mentor et avec qui ils ont fondé une boîte de production qui l'a un peu extrait, qui l'a aidé en fait à sortir de ce contrat. Et effectivement, apparemment, les triades auraient été impliquées, en tout cas parce que le producteur précédent ne voulait pas lâcher ce qui commençait à être la nouvelle mascotte. Finalement, il a réussi à s'échapper de là. Et puis, il a aussi fait une première tentative d'exportation aux États-Unis qui a pas du tout fonctionné. Donc, en fait, entre le moment où il est effectivement cascadeur reconnu et régulièrement appelé sur les plateaux et le moment où on commence à le découvrir et commence à vraiment pouvoir développer son propre style, il se passe pas mal d'années. Et c'est vraiment Drunken Master qui marque le début du moment où il arrive à faire ce qu'il veut faire exactement. Mais dis-moi, Frédéric, me glisse une petite voix au fond de mon crâne, ça serait pas le moment de glisser une chanson comme ça, histoire de... Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre, et puis ça amène un je ne sais quoi de plaisant, surtout si c'est un standard. Oh bah tiens, pourquoi pas Carl Douglas avec Kung Fu Fighting? Oh bah tu te dis, allez hop. Cette émission, c'est avant tout une réalisation, et ça, c'est Céline Hila, mais c'est aussi un questionnement personnel et de la préparation et des invités à Calais, et ça, c'est Jeanne Paravert et Sarah Masson. C'est aussi une légère dose d'exploitation, et ça, c'est Tom Malky, notre stagiaire. Par contre, tout ça sans technique, ça ne vaut pas grand-chose. Et la technique, c'est Maxime Ingrand. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. C'était Kung Fu Fighting de Carl Douglas. Quelle est cette pause? La digestion après un bon repas. Tu es courageux. Tu es courageux aussi, grand maître. Merci. Tu t'es battu comme un brave. Mais ta danse de l'ivrogne n'est pas au point. Elle n'est pas quoi? Pas au point. Tu as une bonne défense, c'est vrai. Mais aucune attaque. Quoi? Avec ma danse de l'ivrogne, je peux affronter tous les maîtres de kung-fu. Écoute le sifflet. Ton train va partir. Mets-toi en garde. Et n'essaie pas de changer de conversation. Mais c'est vrai, tu vas le rater. Ça ne prend pas avec moi tes petites diversions. Il va partir. Oh non, mon train! (01) 56 40 30 20. C'est un numéro extrêmement facile à retenir, surtout si on a envie de laisser un message sur le répondeur de l'émission. Après, vous n'êtes pas obligé de laisser un message, mais ça fait toujours son effet quand en soirée, vous balancez 01 56 40 30 20 juste après l'apéro, comme ça, dit « Oh, tu écoutes Blockbuster, toi aussi, tu es un être humain génial !» François Bargeprieur, quel est le rapport de Jackie Chan au cinéma muet? Parce qu'on a parlé du burlesque, mais il y a notamment Buster Keaton. Quand on voit un film de Jackie Chan, c'est très très difficile de ne pas repenser à Buster Keaton, beaucoup plus que Charlie Chaplin d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, parce que oui, d'ailleurs c'est, et à l'inverse, quand tu revois maintenant des scènes de Buster Keaton de l'époque, c'est hallucinant ce qu'il faisait aussi. Enfin, c'est dingue quoi. Mais enfin, si tu veux, je pense que Jackie Chan, il a par sa polyvalence de formation dont on parlait tout à l'heure, là où il a eu une grande intelligence, et c'est pour ça qu'il a aussi apporté quelque chose de nouveau, c'est qu'il s'est dit qu'il allait mettre toutes ses compétences physiques au service, si tu veux, du spectateur, et au service, enfin tout simplement pour le faire rire. Et non seulement ses compétences à lui, mais en plus ce qu'il a rajouté, c'est l'usage du décor. Oui, effectivement, il a basé toutes ses... Comment dire, tout son comique visuel vraiment sur l'usage de choses qu'on n'avait jamais vues avant, et une façon de se battre complètement évidemment hors académie, on va dire, qu'il a distingué du lot, quoi, ça c'est clair. Mais c'est vrai, Marvin Montes, l'environnement a une place prépondérante dans le cinéma de Jackie Chan, c'est-à-dire une manière d'utiliser tout le moindre objet du mobilier, une table basse, une chaise, une bouteille, pour pouvoir continuer à combattre, c'est aussi ça qu'il a apporté. Complètement, et justement, c'est là aussi qu'on peut faire un lien très important avec Buster Keaton. C'est que Buster Keaton avait une philosophie, c'est qu'il appelait le gag réel. C'est-à-dire de faire le gag le moins simulé possible. C'est aussi pour ça que, par exemple, il conservait des mauvaises prises dans ses films. Il y avait des chutes qui nous faisaient crever de rire et qui pourtant n'étaient pas du tout prévues. Et oui, le fait d'être en sous-nombre, par exemple, c'est aussi ça qui fait qu'on doit se servir de l'environnement, parce qu'il faut être créatif pour se débarrasser de d'ennemis qui sont en surnombre total. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que Jackie Chan n'est pas toujours présenté comme le meilleur combattant à l'écran. Il y a des fois où il est complètement dominé. Oui, il se prend des coups. Même lui, quand il donne un coup de poing, il se fait mal immédiatement. On est très très loin de l'iconisation justement d'un Bruce Lee. Bien sûr, et c'est aussi là qu'on peut voir ses talents quelque part de réalisateur, parce qu'il réalise aussi pas mal de ses films. Et sa manière de filmer l'action, enfin, c'est quelqu'un qui a un vrai sens, par exemple du cadrage, tout bêtement, puisqu'on peut voir quand on voit des scènes d'action complètement folles où on a des tas de gens qui passent dans le cadre avec un combat au milieu, il filme toujours le prochain élément de l'environnement qui va être utilisé. Voilà, s'ils sont en train de se battre au sol, il va filmer l'escalier qui va venir après. Le plan d'après, ça va se passer dans l'escalier, et ainsi de suite. Donc, ouais, voilà. Oui, il y a une science du repérage qu'on pourrait voir, comparé à ce que peut faire un John McTiernan aux États-Unis. Au niveau de l'espace. Toujours, hein, en termes d'espace, où on se trouve et où on se situe. Et alors, il y a ce film que, moi, qui m'a fait évidemment énormément d'effet quand je l'ai vu tout jeune, c'est Marin. Des mers de Chine. Film parfait. Projet A avec Sammo Hung et Yuen Biao, le trio légendaire. Et j'aimerais qu'on en parle parce que c'est incroyable. Ces trois-là étaient donc à l'Opéra de Pékin ensemble. Bah, ils ont formé un trio d'ailleurs qu'on a. Non, ils étaient les sept petites fortunes. Mais avec Sammo Hung et Yuen Biao, ils ont formé une sorte de trinôme qu'on a appelé les trois dragons. Et ce qui est bien avec Le Marin des mers de Chine, c'est que. En fait, c'est un film qu'il a fait en réaction avec sa première expérience hollywoodienne qui avait été vraiment ratée. Et c'est un truc qui va se reproduire dans sa carrière à chaque fois, qui va revenir de Hollywood en réaction à ce qui s'est passé, à sa frustration. Et ben, il va sortir un de ses films majeurs. Et Le Marin des mers de Chine, c'est clairement, enfin, pour moi, c'est une sorte de quintessence du courant du kung-fu comédie, quoi, en termes d'humour, en termes de mise en scène d'action, des risques pris pour une cascade en particulier. Bah, tu parlais d'Harold Lloyd, il y a la fameuse citation en fait de l'horloge en fait où il est suspendu à une horloge dans une tour qui doit faire bien 50 ou 60 mètres et donc ça a donné lieu effectivement à une des cascades les plus connues qu'il ait faites. Mais indépendamment de cette cascade, alors qu'il l'a filmé, en plus il l'a fait deux fois de suite, c'est-à-dire que le gars non seulement il chute de 50 mètres, il s'éclate au sol, mais il se dit non ça. Et ça, il est juste ralenti par des tout petits des petits draps, des petits draps comme ça, il fait une chute, mais c'est incroyable à voir. C'est quand on la voit, on a vraiment l'impression que sa nuque enfonce au plus profond du centre de la Terre. Ce qui s'est passé, c'est que il n'arrivait pas à la tourner. Il était suspendu à cette pique-là et puis il avait peur, il demandait à son équipe de revenir. Et un jour, c'est Sammo Hung qui a pris la caméra et qui a dit « Écoute, on n'a plus le temps là, il faut vraiment que tu la tournes. » Donc tu te tues, donc, on enchaîne. Ton équipe qui est à l'horloge, elle dégage, elle s'en va. Et donc il est resté là et jusqu'au bout, il n'a plus de force en fait, vraiment. C'est réel quoi, il n'a plus du tout quand de force. Quand il lâche, c'est parce qu'il peut tenir. Il fait une chute de 15 mètres. Et il passe à travers trois rideaux et puis on voit sa tête s'enfoncer parce que la cascade est montrée deux fois au montage. La première fois où ça se passe pas très bien, finalement il refait une prise. On voit bien ça dans le générique de fin d'ailleurs. Une des signatures de Jackie Chan est de mettre effectivement les cascades les plus spectaculaires dans son générique de fin. Ce qu'il avait appris sur le tournage de Cannonball. Ouais, sur Cannonball justement, il a été hyper impressionné par ça. Il a dit je vais le faire. Grand bien nous fasse parce que c'est quand même assez cool. Et d'ailleurs, il a failli remourir. Peut-être encore plus violemment sur Mr. Dynamite. Ah, mais c'est sa blessure la plus grave. Voilà, où il a eu le crâne fracturé. Il faut savoir que vraiment, Jackie Chan, c'est une sorte de Dr. Maboul en 3D. Il s'est fracturé tous les os possibles. Quasi, ouais. Quand on était gamin, tu sais, il y avait un poster où on voyait Jackie Chan en train de faire un saut coup de pied et tu avais des flèches sur tous les endroits de son corps. T'avais même plus la place pour Jackie Chan. C'est absolument. Tout est pété. C'est une sorte de miracle humain qui continue d'avancer. En fait, ce qui est véritablement impressionnant, c'est que même après des chutes de ce genre, dès qu'il est rétabli, il recommence immédiatement. Et en fait, le but du long métrage, souvent, c'est de montrer, de donner l'impression au spectateur que tout ce qu'il fait est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on va le voir comme ça, sauter d'un mur à l'autre pour passer à travers une fenêtre. Il te fait ça en 2-2. Alors qu'en fait, on voit dans les scènes de fin qu'il s'est banané au moins 8 fois. Ouais. Et il reprend comme. Il y a un côté jusqu'au boutisme. Il y a une scène qui est la cascade finale de Polystory. Où il glisse le long d'une rambarde dans un centre commercial, le long d'un luminaire qui explose et il atterrit en bas à travers une baie vitrée sans protection en dessous. Et donc il se brûle les mains au deuxième degré en atterrissant, en glissant le long du luminaire. Il atterrit en bas sans protection, il se détruit le dos. Sauf que là, réalité oblige, enfin cinéma vérité oblige, la prise n'est pas finie. Il doit se relever et continuer à combattre jusqu'au bout de la scène, quoi. Donc ouais, il pouvait vraiment pas s'arrêter. C'est un vrai trompe-la-mort de toute façon. C'est arrivé plusieurs fois, on parlait de Mr. Dynamite, opération du cerveau quand même, suite à une cascade ratée. C'est dur. Puis c'est en Yougoslavie, dans un hôpital de campagne. Ouais. C'est un synonyme de suicide, non, je pense. Et justement, quel est votre Jackie Chan de cette époque préféré? Dedo. Préféré, je sais pas. Moi, je sais que celui qui m'avait, je l'ai découvert par Chinoise des chaînes, donc qui a été hyper marquant. Même pour lui, d'ailleurs, je crois que c'est son premier gros succès au box-office. Bah, c'est celui juste avant, effectivement, il me semble, Drunken Master. C'est celui avec Yuen Woo-ping. Et c'est Yuen Woo-ping qui réalise d'ailleurs son premier long métrage. Yuen Woo-ping, pour ceux qui le chorégraphe de Matrix, de Tigre et Dragon, ou le réalisateur de Taishi Master, qui est aussi un chef-d'œuvre si les gens ont l'occasion de le voir. Et d'ailleurs, je l'ai revu il y a pas longtemps pour préparer l'émission. Alors, non, il y a le jet. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le Chinoise des chaînes, il joue le rôle de Wong Fei-hung, qui est un vrai personnage emblématique de la culture chinoise. Le héros de la saga Il était une fois en Chine. Il était une fois en Chine de Choi Ark. Et Donnie Yen joue d'ailleurs aussi son rôle dans Hero Mangi Rose. Ouais. Et donc, bah voilà, ça c'est. Et je sais plus pourquoi on en est arrivé là. Non, mais pour montrer, pour étaler notre science de la culture. Et effectivement, le Chinoise des chaînes, dans le générique de fin, on entend du Jean-Michel Jarre. Ça m'a fait beaucoup rigoler parce que j'avais complètement oublié. Et je crois qu'on entend Oxygène. Donc voilà. Un petit cocorico, nos meilleurs films, c'est ça. Films. Alors, on va continuer à explorer tout ça. Le journaliste François Barge-Prieur, le rédacteur Marvin Montes et l'humoriste Dedo sont toujours là. Ça veut sûrement dire qu'ils aiment ça. Et aujourd'hui, je le rappelle aux auditeurs, on parle de Jackie Chan. Mais pour le moment, on va écouter Izia, qui elle aussi n'a pas besoin de doublure pour chanter. Où est passé le vrai désir d'être vivant? Les envolées sauvages. C'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. Et plus les années passent, plus y a tout qui part en couille. Où sont les derniers fous au milieu de la foule? Mais faut pas que je désespère, non. Il reste des choses à faire. Y a tout qui reste à faire. Y a tout qui reste à faire. C'était Sous les pavés d'Izia. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Poursuivons notre exploration de l'univers merveilleux de Jackie Chan. François Barge-Prieur, votre Jackie Chan préféré? C'est dur. Je dirais peut-être Opération Condor. Parce que ce que j'aime beaucoup dans les films de Jackie Chan, c'est qu'il s'inspire énormément de styles ultra codifiés. Donc on a parlé de Marin des Mers de Chine, c'est le film de pirates. Là, Opération Condor, il fait une sorte de d'Indiana Jones revisité. Et je pense que c'est vraiment... Ça, pour moi, c'est celui qui coïncide à sa meilleure maîtrise un peu de différents aspects de ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des scènes très drôles de quiproquo, parce que c'est très inspiré du théâtre. Il y a souvent des scènes assez longues, avec il se cherche dans des chambres, il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Il y a des espèces de situations un peu rocambolesques. Et puis, en termes de combat, il y a une scène finale qui est complètement dingue. Ah ouais. Donc, Opération Condor, en fait, sans hésiter. Voilà. Marvin Montes. Moi, je suis né à la toute fin des années 80, donc j'ai pas connu les grands débuts de Jackie Chan. Moi, je l'ai découvert avec Rumble in the Bronx, donc c'était en 95. C'est bien, hein, c'est plutôt mais... bien. Mais bon, moi, mon préféré, ça serait un film qui s'appelle en français Combat de Maître, donc, et qui est le Drunken Master 2 ou Legend of Drunken Master, je sais pas. Voilà, il y a 40 titres internationaux. Hein. Et donc ouais, voilà, c'est pareil, c'est une sorte de quintessence de tout ce qu'il sait faire avec des combats outnumbered, donc en sous-nombre. Sous-nombre tout seul, incroyable. Un contre 67. Voilà, une utilisation de l'environnement qui est folle, et puis du drame un petit peu, c'est un petit peu dramatique quand même, et cette fameuse boxe de l'homme ivre, voilà quelque chose d'extrêmement cinématographique. Quoi. Alors il y a un moment que j'aime moins dans mon émission, c'est quand je donne la parole à ceux qui n'aiment pas ce que j'aime bien, mais bon je me dis que ça fait vivre le débat démocratique et que ça donne un pseudo sentiment d'équité journalistique, donc vas-y Céline, envoie-nous donc la virgule. Et alors, le j'aime pas, c'est nous-mêmes qui allons l'assumer, parce que y a évidemment le Jackie Chan qui nous a marqué, mais il y a peut-être aussi un Jackie Chan qui nous a déçus. Et il y a notamment le Jackie Chan qui est arrivé aux États-Unis. Donc peut-être qu'il... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Jackie Chan dans ses films américains? Bah, François Barchepillet. Bah, la première chose qu'on peut lui reprocher, c'est pas un vrai reproche, mais c'est que, en fait, comme il voulait tellement, depuis tellement d'années, être connu là-bas, qu'il a été repéré, du coup, à l'époque, justement, 95-96, là, des Rumble in the Bronx et compagnie, ils se sont dit, les Américains n'ont pas eu assez confiance en lui, c'est là qu'ils ont eu tort, et ils se sont dit, en fait, ce gars-là sait faire des cascades, mais il ne sait pas jouer, donc, on va lui mettre un sidekick qui va faire des blagues. Et ça a donné, donc, deux séries de films qui sont, en fait, par ailleurs, assez réussi, c'est Rush Hour 1, 2, 3, et puis après Shanghai Kid avec Owen Wilson. Je mets un bémol sur Shanghai Kid, hein, perso. Ah non, le 2 est hallucinant, Shanghai Kid 2. Donnie Yen, tu... Oui, oui, mais moi, j'ai tellement le 1 en salle, en souvenir de tristesse. Enfin bon, rentre pas dans les mauvais souvenirs. Parce que ce que je veux dire, c'est que ouais, le défaut, c'est surtout qu'il a pas eu le choix, et lui-même l'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, quand il a... Alors ça veut pas dire qu'il a pas apprécié travailler avec Chris Tucker ou Owen Wilson, hein, voilà, mais ça veut dire qu'en fait, il s'est aperçu que là-bas, il avait plus la maîtrise des événements. Faut savoir que sur tous les films qu'il tournait avant, même quand il avait pas la casquette officielle de réalisateur, quand il y avait une scène de combat, il prenait la casquette de réalisateur. C'est pas juste, il était pas coordinateur des cascades, c'est lui qui réalisait entièrement. C'est sur le tournage du Tour du Monde en 80 jours où Cécile de France témoigne que les scènes de combat, c'est son équipe de cascadeurs qui a géré tout seul. Jackie Chan Stunt Team. La Jackie Chan, ils font tout eux-mêmes. Et là-bas, il avait plus cette liberté. Donc je pense qu'il y a deux choses qui ont joué. D'une part, il avait plus la liberté qu'il voulait. Et puis de deux, il commençait à approcher de la cinquantaine. Et donc, mine de rien, ses capacités aussi diminuaient. Et en plus, les assurances l'autorisaient pas à faire ce qu'il voulait. Donc il a été un peu piégé. Voilà. Mais globalement, ce qui lui est arrivé aux États-Unis, c'est un petit peu ce qui est arrivé à nombre d'acteurs chinois qui cartonnaient à Hong Kong et puis qui, quand ils Chow Yun-fat, même Michel Yeoh, d'un certain point de vue, Jet Li, c'est la même chose, obligé de jouer le méchant dans un arme fatale et le voir se battre avec difficulté contre se faire buter par Murtoff, quoi. Par Murtoff, voilà. Non, tu te dis non, Jet Li, il vient de détruire une crosse là à la main en allant très très vite. Et c'est un vieux monsieur qui lui plante un pieu et qui le met dans l'eau? Non, jamais. Ça n'arrivera pas. Ce qui s'est passé avec Jackie Chan à Hollywood, c'est qu'il n'aimait pas leur façon de filmer l'action et de monter l'action. C'est-à-dire que pour lui. À juste titre. Ouais, pour lui, les scènes. Ils ne savent toujours pas véritablement. Pas véritablement, faire, d'ailleurs. Mais lui, il disait que les scènes d'action hollywoodiennes étaient surmontées. Pour lui, le montage, ça servait à faire croire que les acteurs savaient se battre. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de filmer des acteurs qui savaient se battre. Voilà. C'est pour qu'il coupait très peu. On voit, tout se passe sur le même plan dans ces films. Évidemment. Et le parallèle est aussi jouable avec des réalisateurs de renom internationaux. Typiquement John Woo, qui s'est aussi buté sur le gros paradigme hollywoodien. Et encore plus, je sais pas, Choi Hark, qui a essayé, pas s'est retrouvé adapté, à jouer avec Van Damme sur des trucs pas forcément très glorieux. Mais à en faire une sorte de poupée vaudou. Évidemment. Même Ringo Lam, qui a tenté des trucs. Enfin, bref, c'est très compliqué de percer le système hollywoodien tellement, il se veut omnipotent et refuse qu'on le manipule. Donc bon, bah, mais ça donne des films moyens la plupart du temps. On parle de la difficulté à pénétrer le système hollywoodien, mais quelque part, même avoir une reconnaissance à l'étranger, c'est quelque chose aussi d'assez compliqué. Parce que regardez la France, Jackie Chan continue de sortir des films, très peu sont sortis sur grand écran, et les versions de films qui existent et qui sont encore en circulation sont des versions avec une VF qui est absolument atroce, qui est digne des pires épisodes du Club Dorothée, avec un doublage qui est quand même un peu aux fraises et qui est pétri de préjugés. Il y a bien ça sûr, aussi. Ça dépend du film. Il a, je crois, deux doubleurs attitrés en France, voire plus. Hein. Après, ça, j'en suis pas sûr. Mais oui, il y a certains films où on lui a collé un espèce d'accent qu'on voudrait être un accent asiatique, certainement, qui, ouais, effectivement, est assez choquant. Ouais. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a marqué quand on repense à l'œuvre de Jackie Chan, c'est que c'est un acteur, réalisateur, cascadeur, producteur, enfin vraiment homme orchestre qui a mis en avant Michelle Yeoh. Elle est apparue dans Police Story 3, ouais. Super Cop, mm-hmm. mais également Maggie Cheung, qui est l'égérie des films d'Assayas, In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Mm. C'est bien ça, hein. C'est, ouais, oui, c'est ça. Fait, c'est ça. Et elles sont apparues dans des films de Jackie Chan. Et sur des réalisateurs aussi, hein, parce que John Woo et Tsui Hark doivent énormément à Jackie Chan, hein, qui a coproduit pas mal de leurs films, et qui les a vraiment aidés. Enfin, Jackie Chan, il a animé des sortes de conférences aussi pour vraiment valoriser le cinéma hongkongais, et il a et même encore aujourd'hui il joue ce rôle de passeur, en fait, parce que à travers sa stunt team et à travers les jeunes, il a même organisé un concours, je crois, pour repérer le meilleur successeur de Jackie Chan. Tu vois, il y a un truc un peu très très égotrip, mais il n'empêche que il a toujours ce souci de transmettre et d'aider les jeunes générations à être mises en avant, exactement comme son maître l'a fait avec lui. Après, il a aussi toujours pris des débutants de son propre aveu, parce que c'était pas des divas. Et que très probablement que ça empiétait pas non plus sur le nom, sur la marque Jackie Chan. Et son ego. Sur son ego. Voilà. Et c'est vrai qu'il a souvent déclaré, c'est des gens qui sont frais, c'est des gens qui ont envie, c'est des gens à qui on peut faire par exemple des cascades que certaines grosses stars veulent plus faire. Et il y avait eu le cas, je crois, avec Maggie Cheung, qui l'avait fait sauter du deuxième étage sur un carton. Donc voilà, genre de choses. Il faut des débutants pour déjà lui laisser de la place, et en plus pour pouvoir un petit peu les diriger, quoi. Après, on peut pas enlever aussi le côté philanthrope de Jackie Chan, qui donne régulièrement énormément de sa fortune pour des œuvres caritatives, et qui a après décidé aussi, de une fois à sa mort, de donner quasiment tout à des œuvres, en mettant de côté sa famille. Bon, bah, c'est une façon de voir les choses. Ouais, hein. Mais bon, voilà. Et puis même en termes de positionnement politique, bien sûr. C'est pas un amoureux des révolutionnaires et des manifestants pour la liberté. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui très tôt a eu des idées qui allaient à l'encontre d'un certain progressisme, on va dire. Ben ouais, mais de toute façon, en sous-texte, il y a certains films de Jackie Chan qui parlent de l'évolution, justement, de Hong Kong, qui était d'abord une colonie britannique, pour ensuite redevenir, appartenir à la Chine. Et ça se sent dans certains films. Enfin, le Marin des Mers de Chine, on peut sentir des choses comme ça déjà. Et bah, il dit, Sampao. Bah ouais. Et d'ailleurs, dans le Marin des Mers de Chine, il est déjà en train de dire « Mon seul maître, c'est la reine ». Exactement, donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Beaucoup d'affaires. Il agit dans des secteurs aussi variés que l'import-export, le commerce ou les boîtes de nuit. En examinant ses activités de plus près, on s'est aperçu qu'elles étaient toutes déficitaires. Lui, c'est Madwing, son garde du corps personnel. Comme tous ceux qui l'entourent, il lui est entièrement dévoué et prêt à tuer n'importe qui sans état d'âme. Le suivant, c'est Danny Chu, son neveu. Il est toujours très protégé. Et voici John Ko, le bras droit qui tire toutes les ficelles. Cette charmante personne s'appelle Salina Fang. Elle est entrée il y a peu de temps dans l'équipe de Chu. Il est difficile de connaître son degré d'implication, mais elle doit forcément savoir des choses. Votre mission consistera à mettre hors d'état de nuire ces trafiquants de drogue. L'opération s'appelle Chasse aux sangliers. Avez-vous compris ? Oui, chef ! C'était un extrait du briefing de Police Story. Voilà le film où Jackie Chan est donc un policier, comme son nom l'indique, et on sent l'histoire. Voilà, quand je parlais de doublage assez proche de ceux de l'âge d'or du Club Dorothée, là c'est plus qu'une filiation, parce que je crois qu'il y a même le doubleur de Nicky Larson, ouais, qui fait le briefing. Et c'est vrai que Police Story, c'est la tentative au fur et à mesure, c'est pour Jackie Chan de devenir un acteur sérieux et beaucoup plus noir. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la carrière de Jackie Chan, les polystories sont devenues plus sombres, plus proches du polar. On le voit alcoolique, malheureux, il essaie d'éviter la grimace. Il y a cette envie de se crédibiliser en tant qu'acteur noir avec les polystories. Déjà, il faut savoir que le premier polystory, c'est une réaction à son deuxième passage à Hollywood, où il avait joué dans un film qui s'appelait The Protector, traduit en français par Le Retour du Chinois. Voilà, ça arrive. Une autre petite erreur de traduction. Ça en dit tellement long. Voilà. Ça en dit tellement. Et il avait été extrêmement frustré par ce rôle qui lui convenait pas, qui était presque une sorte d'ersatz de Clint Eastwood, quoi, quasiment un personnage revanchard, impitoyable. Et donc en revenant, il s'était dit, je veux montrer à ce réalisateur-là qui m'avait fait faire Le Retour du Chinois que je peux faire. Enfin, voilà comment on fait un film policier, quoi. Et c'est vrai que c'est un film qui commence déjà à être beaucoup plus dramatique que les simples kung-fu comédies qu'on commençait à avoir l'habitude de voir. Ouais. Et par la suite, il aura fait les New Police Story, qui seront vraiment plus inspirés par ce qui a suivi dans le cinéma hongkongais, c'est-à-dire des vrais thrillers, des polars, ce qu'on a appelé l'heroic bloodshed avec les films de John Woo, Chayark et compagnie, quoi. C'est vrai que c'est une saga qui a... C'est une vraie souffrance qu'il a eu toute sa vie là, de pas être reconnu comme un comédien, sachant jouer la comédie pour le coup. Ce qui est une sorte de paradoxe, parce que c'est un type qui sait absolument tout faire, et au lieu que les gens le saluent, enfin il y a des gens qui l'ont salué évidemment parce qu'il a une panoplie de fans, mais je veux dire, au lieu de juste acter le fait que c'est un immense artiste qui déjà sait faire à peu près 10 000 choses qu'on sait pas faire ici autour de cette table, je pense. Les gens sont pour moi il est encore un peu tôt dans la journée pour faire ça, mais beaucoup de personnes lui ont c'est aussi pour ça qu'ils lui ont mis des sidekicks aux États-Unis, parce qu'ils pensaient que lui n'était pas capable de porter la comédie. Alors après, c'est vrai que c'est difficile de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, c'est-à-dire qu'il, moi je pense pas que ce soit un excellent comédien non plus, mais en même temps, si on lui fait jouer que des grimaces, des cris de douleur et des trucs cartoonesques. Est-ce qu'Arnold Schwarzenegger était un autre comédien? Absolument pas. Après, on devient une légende autrement. Après, on sent quand même ses capacités d'acteur dans New Police Story, si je dis pas de bêtises, il y a quasiment pas de scène de baston. Dans Shinjuku Incident, pas du tout. Et c'est des films qu'il réalise en plus, donc tu vois, c'est vraiment une envie très présente de pouvoir montrer une autre palette, effectivement. Après, Jackie Chan, c'est aussi un empire, c'est-à-dire c'est un homme qui a des partenariats pour vendre des bagnoles. Qui a des cigares à son nom, vraiment c'est devenu, il y a un dessin animé que beaucoup d'auditeurs connaissent, même plus que son œuvre cinématographique. Il y a l'Empire Jackie Chan qui est quand même énorme en Chine. Ça représente quelque chose, François Barge-Prière? Ce qui s'est passé avec Jackie Chan, il le décrit très bien dans sa biographie, c'est que presque du jour au lendemain, il a été propulsé de jeunes cascadeurs qui allaient tous les jours essayer de gratter un peu une petite scène sur un plateau pour $2 les pleins pouvoirs. En tout cas, à Hong Kong dans un premier temps. Et vraiment, en l'espace de deux films, quoi, qui se terminent avec Drunken Master, quoi, il devient multimillionnaire du jour au lendemain. Comme il vient d'une famille pauvre, en fait, il est tombé dans l'excès, si tu veux. Donc, en fait, il raconte lui-même une anecdote que j'aime bien, c'est que quand il rentrait dans un magasin, il montrait pas du doigt ce qu'il voulait, il montrait ce qu'il fallait laisser. Et tout le reste, c'était embarqué dans des cartons et ça partait en camionnette, si tu veux. Donc, en fait, il y a eu, et après, il en est revenu, bien sûr, mais il y a eu une opulence telle et si soudaine qu'il s'est mis à consommer tout, si tu veux. Tout ce qu'il n'avait pas avant, il l'a consommé. Donc il a effectivement une ligne de vin, de bouteilles de vin, il a des cigares, il a des t-shirts à son nom, il a des goodies, il a une chaîne de cinéma, des multiplex partout, il restaure des pagodes, il sauve des pandas. Enfin, si tu veux, je pense qu'il a eu vraiment un moment... dans une journée. Et sans assistant, bien sûr. Et il a aussi une collection d'objets d'art, apparemment, qui vaut des millions et des millions. Enfin voilà, c'est vrai qu'il étale... Il racontait qu'il envoyait un collaborateur faire juste monter les enchères et acheter les choses les plus chères possibles. Voilà, juste pour le plaisir de faire monter des enchères, quoi. Et alors, il y a aussi, dans les dernières années, son existence via le cinéma d'animation. Il a doublé Maître Singe dans Kung Fu Panda. Il a doublé le maître dans Ninjago. Il y a son personnage du dessin animé qui est connu, mais on l'a aussi vu dans Karate Kid où il enseigne au fils de Will Smith, Jaden Smith, le karaté. Il y a cette idée aussi d'être désormais cette figure assez proche du maître tel qu'on se l'imagine dans les vieux films chinois qui transmet. Ça c'est une des grandes nouveautés de son cinéma par rapport à Bruce Lee, c'est que dans Bruce Lee on voyait jamais l'apprentissage, c'est-à-dire que Bruce Lee il est brut de pomme, il sait déjà se battre comme un dieu, alors il que justement Jackie Chan a introduit via Drunken Master notamment, mais l'idée qu'il fallait effectivement se former, et c'est pour ça que tu le vois au début tomber, ne pas réussir ses coups et petit à petit s'améliorer. Et dans sa formation qu'on avait vue à l'Opéra de Chine, il a eu la même chose en fait. Donc c'est vrai que quelque part, d'une part son âge le pousse plutôt à jouer les vieux maîtres que les jeunes premiers, évidemment. Et je pense qu'il a effectivement une vraie envie de. Dans, si tu prends sur les 10 dernières années, il joue quasiment toujours un vieux maître qui est dépositaire, soit d'une connaissance que d'autres n'ont pas, soit mais carrément le passé de la Chine. Hein. Des fois c'est carrément grandiloquent, mais effectivement, il a formé d'ailleurs pour de vrai le fils de Will Smith. Il l'a formé à l'écran, mais il a aussi formé pendant un an pour de vrai pour qu'il sache se battre. Donc je pense que oui, ça fait partie de ce qu'il est, de vraiment ce besoin de transmettre et ce côté familial qu'il a d'ailleurs avec son équipe de cascadeurs, puisqu'il les invite toujours des grosses tablées de vin, c'est lui qui paye l'addition pour tout le monde. Enfin, il prend vraiment soin de ceux qu'il a formés en fait. Ouais. Après, pour ceux qui ont vu le remake de Karate Kid, j'engage les gens à aller voir le film original de John Avildsen pour se laver les yeux, parce que je trouve le remake totalement raté dans absolument tout de ma part. Mais vraiment, c'est vraiment, enfin, même dans ce que ça transmet en termes de. Mais après, effectivement, mais ça lui a été quel meilleur comme Monsieur un... Miyagi que Jackie Chan en termes de transmission. Ça lui a été vendu personnage. Comme un projet avec Will Smith, en fait. Ouais, bah oui, non, mais il a dû voir avec tout son fils et Will Smith seulement à la prod. C'était pas ce qui était forcément prévu, quoi. C'est sûr. Ouais. Alors dans quelques instants, on va jouer à ma version toute personnelle de l'école des fans. Mais avant ça, on écoute Nekfeu et BG The Chicago Kid avec Rouge à Lèvres. Compare tout avec toi même si j'attends la bonne. Je visualise ton corps même sans te mater. Damn, faut que tu sortes de ma tête. Ça fait 4 titres où je parle de toi dans l'album. Tu m'as blessé beauté, mais pour moi tu n'étais que majesté. Paris me rappelle à toi, donc je suis parti voir Dave dans un petit club de Manchester. On a posé OD, on a croisé des DJ sans m'étaler, on a froissé le budget. On a déconné sous le ciel étoilé quand même on est allé voir le concert de BJ. Me voilà à Chicago, loin de la route à vu naître mes peines. Dans un quartier du sud où les blancs normalement ne peuvent pas mettre les pieds. Mais je pense encore à toi. Je suis parti sans savoir où j'allais. Il ne me restait de ta bouche qu'un mot d'amour. Tracé sur mon miroir avec ton rouge à lèvres. Et je pense encore à toi. Les chaînes en orbite, personne ne comprend rien sauf les schémas de rime. Car ce truc est universel, comme l'étude déversée. Ce truc est universel, y'a pas de diversion. Mon feu est déversé, j'enregistre diversion. C'était Nekfeu, BG The Chicago Kid, Rouge à Lèvres, et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a David au téléphone. Bonjour David. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Fred. Vous êtes fan de Jackie Chan ? Un peu. Moi, mon préféré, c'est indubitablement Police Story, le premier. Oui. Et après, j'ai adoré Le Marin des Mers de Chine, quoi, clairement. Parfait. Alors, vous connaissez le principe, vous allez devoir répondre à des questions extrêmement simples qui n'ont pour but que de vous faire bénéficier d'un petit cadeau censé égayer ce moment triste et morose que l'on appelle la vie. C'est bon ? Ok. Première question. Quel est le véritable nom de Jackie Chan ? Ah, c'est Sean Leo ? Non. Il ne vient pas là. Alors, est-ce que vous voulez faire appel à un joker ? Oui, bien sûr. Alors, à qui voulez-vous faire appel ? Alors, vous avez le choix entre François Barge-Prieur, Marvin Montes ou Dedo ? Marvin. Alors, quel est le véritable nom de Jackie Chan ? Il s'appelle Chan Kong San. Bonne réponse ! Né Hong Kong. Bonne réponse. Super. Pointu. Alors attention, question suivante. Combien y a-t-il de films dans la franchise Police Story ? Trois films ? Cinq films ? Oui. Ou sept films ? Oh. Sept. Bonne réponse ! Eh oui, il y en a sept. Il y en a sept. Ah, c'est... Et là, autour de la table, il y en a sept. Eh ben oui, il y en a eu sept. Ouais, c'est ça. Dernière question. Alors attention, c'est sûrement la question la plus simple depuis qu'on a commencé le jeu. C'est quel est le titre de cette chanson culte de Jackie Chan qu'on écoute ? J'adore ce titre. Moi aussi, je le chante tous les matins. Je me réveille. Je pourrais faire un N'oubliez pas les paroles avec cette chanson. Tu l'as, hein. Alors, David ? Alors là, j'en ai aucune idée. Allez, écoutez, comme je sais que c'est un petit peu difficile, vous avez droit exceptionnellement à un nouveau joker. À qui on fait appel ? François Barge-Prieur, Dedo, Marvin Montes ? François. François. Alors, il s'agit de My Feeling. Bonne réponse ! Bah oui, mais François, c'est un vrai fan, il l'a chanté en rentrant dans le studio. Eh bien, David, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster et qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Génial, super, merci. C'est sympa. Mais de rien. Au revoir, David. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Alors revenons, on a encore un petit peu de temps pour parler de Jackie Chan, et il y a aussi une influence énorme, parce que il pourrait y avoir des auditeurs qui douteraient comme ça du statut de blockbuster de Jackie Chan, mais il faut voir aussi à quel point cet homme, cet acteur, a rayonné dans des domaines au-delà du cinéma, c'est-à-dire que par exemple Dragon Ball ne ressemblerait pas à ce qu'il est sans Jackie Chan. Marvin Montes, c'est quand même le Jackie Chan. Ah bah oui, complètement, ouais. C'est Tortue Géniale, c'est le maître. D'ailleurs, on l'a pas vu dans le film Dragon Ball Evolution, quelque part merci. C'est vrai. C'est une autre icône qui a subi ça à sa place. Oui, c'est quelqu'un qui a une influence démentielle sur le cinéma, déjà hongkongais, le cinéma d'arts martiaux, le cinéma, enfin, même sa manière de filmer l'action, sa manière de faire ses cascades lui-même, et on voit aujourd'hui des films d'action qui ont tendance à vouloir revenir un petit peu à cette... Eh bien justement, par rapport à ces films d'action modernes, est-ce que vous auriez un petit conseil comme ça sur des films d'arts martiaux récents à voir impérativement ? Qui commence ? Dedo. Ok, moi je dirais Ip Man, donc qui est le fondateur du Wing Chun, donc qui est un film de Wilson Yip qui... Avec Donnie Yen, qui est, je pense, quelque part, la suite logique de Jackie Chan en termes de cinéma d'action. Il est un peu plus jeune et continue de faire des choses très très fortes. Et donc voilà, en termes de scènes d'action, ça parle aussi de l'invasion japonaise par rapport à la Chine. Donc il y a un sous-texte politique intéressant. Et si vous aimez les tatanes, il y a quelque chose de pas mal dedans aussi. Hein. François Barge-Prieur. Moi, j'ai conseillé The Raid de Gareth Evans, sorti en 2010. Et qui est franchement, pour moi, le meilleur combo qu'on puisse trouver entre... Comment dire, entre l'ancien et le moderne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le plaisir des chorégraphies, voilà, comme on peut le trouver dans le Wuxia Pan depuis 40 ans. Et en même temps, il y a vraiment un côté efficace, efficient, très brut de décoffrage. Donc franchement, c'est incroyable. Et cette structure de jeu vidéo avec le fait de monter d'étage en étage pour arriver au dernier boss. Exact. Marvin Montes? Moi, je vais recommander un film qui s'appelle Détective D et le mystère de la flamme fantôme de Choi Ark, ou ses suites, comme vous voulez, qui sont, qui est une sorte de Wuxia Pian moderne. Merci. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Enfin, merci à tous, parce qu'il y avait des garçons aujourd'hui. Merci à François Barge-Prieur, Marvin Montes et Dedo. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Personne n'a gagné, c'était amical. Je pense que Tsang est d'accord avec moi. Ce n'est pas fini. Et on se retrouve demain pour parler des Versaillais les plus branchés de France. On va parler des Daft Punk. Mais dans quelques instants, vous allez retrouver le Mac de l'été avec Anna Sigalevitch qui est avec nous en studio. Mais bonjour, oui, Anna. Bonjour Frédéric, je ne peux pas vous narguer avec des bruits de cigales aujourd'hui. Je suis là avec mais vous. Mais oui, mais je peux faire la cigale. Allez-y, pendant que je vous annonce mes invités. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons recevoir François Ozon et son acteur Félix Lefebvre pour le film Été 85 qui sortira demain. Merci beaucoup. Merci. Et bonne émission à Merci. Vous. Merci.